Mais moi, je me dis, le rock, c'est pas que ça, quand même. On avait d'autres trucs, on a eu d'autres folies, d'autres délires. Et bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Salut. Bienvenue dans Memento Mori. Numéro voilà. 666. On est très contents de vous retrouver ce soir. Ouais, si. Certains sont très malades de vous retrouver ce soir. Moi, je suis dans une forme très relative. Alors, mais voilà. Si tu t'es déplacé, c'est que ça va quand même, finalement. Oui. Et on a amené plein de médicaments à base d'alcool et de graisse pour c'est te ça. Retaper. Je vais prendre un Doliprane en comté de 500. c'est du Doliprane 10 mois. Tu ne risques absolument rien. Bon, bah c'est cool. Nouvelle émission Memento Mori, Radio Gamozo en place. Ah, salut Marcus. Toujours présent. Salut tout le monde. Ah, ah oui, personne ne le voit, mais il est toujours là derrière. Fidèle au poste. Personne ne nous voit non plus, finalement. Oui, mais nous, on nous entend. Personne ne l'entend, si tu préfères. Tu veux de la justesse dans les termes, c'est ça ? Un petit peu, ouais. D'accord. Je suis fatigué, je vais être très à cheval sur les choses. D'accord, bon, bah écoute, je vais me taire alors. vous avez quelque chose à ajouter ou on peut lancer Non, vas-y, lance-toi. Ok. Alors, c'est un titre que je veux passer depuis, si je dis pas de bêtises, depuis le 14 novembre, donc il est largement temps. C'est un truc de Crust espagnol ? Non. Polonais. C'était un blind test ou c'était suédois que tu présentais. Ah, suédois. Gothenburg. Laisse-le parler. Il a l'impression que je passe toujours la même chose. Alors qu'il passe dans un jeu qu'il connaît mais que oui, tu connais pas. Moi, je m'entraîne pour les blind tests. Là, je suis chaud. Ouais, non, mais c'est pas prévu. Hein. On pourra en organiser un, mais je peux te reprendre dans les blind tests. Fais pas trop le Mario là. Ah mais moi. Là, j'ai un morceau que d'habitude j'écoute pas. Alors, ça va peut-être te plaire. Bon bref, tout ça pour dire, le groupe s'appelle Sword Wilder, je sais pas trop comment on dit, c'est un peu long, il y a des W, c'est un peu chiant à prononcer. J'ai découvert ça via le label Profane Existence. L'album vient de sortir, je peux pas dire cette année, c'est en 2019, on pouvait dire ça l'année dernière, mais c'est terminé, c'était une nouvelle année. J'apprécie que tu sois très à cheval sur les dates. Ah, voilà. Non, mais parce que j'étais toujours de cette année, mais non, en fait, c'est. Voilà, non, ça fait moins d'un an quand même, peut-être. J'en sais rien, j'ai pas la date de la release exacte. Donc l'album s'appelle System Overlord, le titre Nuclear Winter. Le groupe vient de Gothenburg en Suède. Ils font vraiment du crust à l'ancienne, école Axe Grinder, Amebix, avec une touche récente et un son suédois, mais c'est de toute beauté. Ça, voilà, avec le temps comme ça froid, ça va être parfait quoi. Nuclear Winter, c'est parti. There's a bit of good. unleashed a total tragedy. This is not the way the world is supposed to be done. The weapons of mass destruction should not sight in history of centuries ago. Still this poses the threat of a total extinction. The city cure in the ivory tower is ready to push the button. The innocent will be melted away by the heat of a thousand burning suns. Funeral after funeral in a pile of radioactive waste. Yesterday to display the morbid sign of power. We all know the outcome of the nuclear war. Yet, the nuclear war approaching again. The solidarity is still the only choice. Wake the fuck up. Soirée. Ah, premier, puis on peut le laisser durer. Hein. Spécial pour toi, Marcus. Dur le Larsen. C'est que de l'amour. Et on aurait dû mettre ça en sample pour toi, Marcus, à la fin d'un morceau de Doom Sisters comme ça. Ah, ou alors, on en parlera hors antenne, enfin, quand il n'entendra pas. J'ai une petite idée. Voilà, à l'instant, c'était Sworn Wilder, Wilder, je sais pas bien comment cool, vous le prononceriez. Ouais, carrément cool. Allez écouter tout l'album, il est en ligne sur le Bandcamp de Profane Existence. Et c'est tout ça, c'est tout dans le même style. Ah bah c'est comme vraiment, quoi, le stem, je crois que c'est bien produit, c'est bien en fait. Ouais, même quand c'est mal produit, c'est super. Là, il y a le petit, effectivement, il y a le petit plus quoi. Et vous réagissez. Voilà, c'est à vous. C'est à moi. Alors, moi, j'ai pas préparé grand-chose parce que, en fait, j'étais parti du principe qu'on répétait pas avec Wales of the Crossroads, comme on répète pas depuis 6 mois à peu près. Et là, d'un coup, en fait, on répétait. Du coup, ça m'a niqué mon créneau pour finir de préparer l'émission. Donc, j'ai fait tout à l'arrache comme jamais. J'ai quand même, heureusement, qu'il y a le top 2019 de Bico de Besançon qui, chaque année, nous, me fait une émission préparée assez facilement. Et du coup, alors, quand même, Pico de Besançon, puisque tu es en bas. Il n'est pas du tout blond et à moitié roux, en fait. C'est surprenant. Ah, c'est bien, mais maintenant tu vois enfin à quoi il ressemble. Et bah voilà, et je pense que. Ah, bah lui, j'en parlais l'autre fois, et puis le descriptif n'était pas le bon du tout, quoi. Non, mais c'était parfait. Il s'approche d'un gars, il fait ah, j'adore ton top. Puis je fais non, mais Mitch, c'était pas Pico, ça. Pas lui. Ah, il parlait de l'autre pote de oui, je sais pas comment il s'appelle, mais oui. Voilà. Il confond Luc. Et en fait, je sais pas, c'est la magie des internets, ça. Ce mec-là, en fait, je me suis rendu compte que je l'avais jamais vu, ou en tout cas jamais reconnu. Aucune idée, quoi. C'est un homme discret. Mais en plus, quand tu identifies quelqu'un d'autre à la place de cette personne, qui a peu de choses à voir physiquement avec, finalement... Ah, t'étais très perturbé. C'est un peu quand tu confondais Ostroton et Varoukers, non? Oh, je sais pas s'il y a physiquement quelque chose. Ouais, mais c'est dans le style-là, quand même. Hein. Mais oui, c'est Takabi. Et ce qui est bien, c'est que là, c'est une private joke, mais on l'a tellement raconté ici à la radio que du coup, c'est une private joke pour tout le monde. Ben et ça, voilà. C'est cool. Fidèles auditeurs. Ouais, plaisir. C'est pour ceux qui nous suivent depuis longtemps. Voilà. Pour les trous, Memento Mori. Excellent. Voilà, j'aurais bien voulu faire un Philippe Manœuvre là, mais j'ai pas la voix pour. Donc, on va s'écouter Lightning Bolt, tiré du top, du Useless Top de Pico 2019. C'est vachement bien. Je sais pas, je sais plus trop ce que c'est comme style, mais c'est vachement bien. Effectivement, c'est aléatoire. Hein. Voilà, très aléatoire. Et juste après, on va s'écouter Amyland and the Sniffers. Ça, par contre, c'est du punk rock australien, si je dis pas de conneries, qui fait très redneck dans l'idée, un peu avec la voix Riot Girl désabusée, un peu hurlée. Ça, c'est cool. Voilà. Et voilà, voilà. Et voilà, c'est Riot Girl, désabusé. Ouais, désabusé, pas très hurlé en fait. Mais comme j'ai. Mais cool quand même. Mais bien, garage punk, ouais. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai pas très bien préparé cette émission. Du coup, les présentations sont moyennes, mais elles avaient le mérite d'être cohérentes quand même. Oui. Avec le groupe, t'étais pas non plus à côté de la plaque. C'est pas si pire, tu vois. Ouais. Franchement, voilà ça. Bon après, j'aurais dit un truc. Ouais, c'est un peu rock, un peu chelou quand même. Globalement, j'ai 90% de chance d'avoir juste. C'était un dé, quoi. Aucun dé. Aucun dé 90. Totalement sa place. Non, j'arrive. Que c'est triste de voir ça quand même. Ah là, voilà, je te jure. De l'entendre. Ouais, de le voir encore plus. Je pleure à l'intérieur. On va enchaîner avec un autre truc qui vient du top de Pico, hein, n'est-ce pas? Même ah, si mon idée. Non. En fait, il a quand même un aura incroyable, cet homme. Et tout à fait. Hein? Ceci dit, je l'ai appris rétrospectivement parce que c'est Cyril qui m'a fait découvrir le groupe là, et il m'a dit ah bah c'est aussi dans le top de Pico. Je fais bah voilà. Ouais, mais donc c'est, donc c'est le groupe, côté influenceur, c'est peut-être. Rainbow Grave avec dedans il y a, alors attends que je dise pas de bêtises, l'un des fondateurs de Napalm Death et l'un des fondateurs de Doom, un truc comme ça. Enfin bref, voilà un peu le. Ça vous donne la couleur musicale. Il y aura du Larsen. Et le morceau c'est Year Zero et l'album j'ai pas noté. Voilà, j'ai préparé presque aussi bien que toi. mais c'est vraiment vraiment très bien avec du Larsen, du saxophone et puis. Ouais, vu comme ça. Vous non mais fait... c'est bien parce que je me souviens d'avoir été parce que j'ai tout écouté son top. J'ai été écouter tous les morceaux. Ah donc t'as écouté Rainbow Grave et aussi. Ça, et je pense que c'est clairement dans les trucs que j'ai mis. Oh non, ça ne va pas. Ben voilà. Et ben tu vois. Il y a toujours. Et voilà, maintenant on est complet. Donc on écoute Rainbow Grave pas plus tard que maintenant. We'll be right back. l'arsène de saxophone. Moi, tu vois, ça fait. Et voilà. Tu vois, ça, c'est du bonheur. Spécial dédicace à Marcus. C'était Rainbow Grave. Ça reviendra. C'était bien, hein. Ouais. Moi, j'ai un très bon morceau. Ouais, ouais, moi j'aime bien. Et puis tout ouais, l'album est amené, vraiment cool. C'est tout comme ça posé. Tout comme ça. Alors les autres morceaux sont un peu moins longs. Et avec. Il n'y a pas forcément du saxo à chaque fois, mais c'est le même type d'ambiance comme pas ça. Mal aussi. Hein. Mais oui, non, mais sur le morceau-là, ça le fait carrément bien, je trouve. Tant qu'il y a une batterie, des guitares. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est une batterie saxo. Bon, c'est fini. Non, mais de temps en temps, tu vois, c'est le petit plus comme ça. Ouais, ça fait un côté un peu barré qui est sympa. Puis le saxo, ça rend toujours bien. C'est ça. Voilà. C'est à toi, Mathieu. Non, il en reste encore, Mathieu. Il faut qu'on continue. C'est bon, on peut y aller. Bon, bah, allez, moi, je vais mettre un petit limite. Hein. Ah. Hein le groupe s'appelle Kial. Il vient de Brest. Ils ont sorti une démo la fin 2019. Hein, ça m'énerve, ça. Je n'arrive pas à dire encore cette année. une démo cassette. Ils veulent sortir ça en EP. Donc, je crois qu'ils recherchent du monde pour sortir ça. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Le titre s'appelle Realidad. C'est pas mal du tout. Moi j'aime bien. Chanter en pas portugais ou espagnol, je ne sais pas vraiment. Realidad, à votre avis, serait plus portugais ou espagnol? Espagnol, je dirais, mais non, portugal. Colombien, du coup, c'est parce que je sais qu'il y a des punks colombiens à Brest. Alors, ah oui, oui, j'allais dire, moi aussi, viennent de Brest. Hein. C'est pas du breton, quoi. Ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr que c'est pas du breton. Alors, c'est un breton qui a beaucoup voyagé, quoi. Ok, ok. Et juste après, on va se mettre Warthorn, parce que j'ai réécouté il y a pas longtemps et je me suis rendu compte que c'était vraiment cool. Du coup, j'ai réécouté tous les disques que j'avais d'eux, parce que j'en ai quelques-uns. Donc, c'est un groupe de crust des Oyasai. Le titre de l'album, là, il est sorti en 2008, donc ça ne nous rajeunait pas, hein, 12 ans quand même, hein, c'est pas rien. On a dû acheter ça en plus. On écoutait quand on allait au softbox. Oh, je pense, ouais. Donc l'LP, donc, c'est plus une compilation pour l'Europe, parce que sinon, c'est pas du tout, c'était pas ça vraiment la pochette et le titre. Donc c'est Tainting Tomorrow with the Blood of Yesterday, et le titre Aftermath of the Severed World. Bon, c'est long tout ça. Il y a des belles mélodies. Et bah, c'était Warthorn. Hein. Tout à fait, Warthorn. Je crois que ça n'existe plus, Warthorn. Hein. En tout cas, on n'en entend plus parler. Voilà, avec le titre Aftermath of the Severed Road World. Et juste avant, Kial, qui vient de Brest. Et du coup, on a dû écouter deux, voire trois titres. Ouais, on a pas c'était, pas, pr- ouais, c'était ouais. pas prévu d'en écouter autant, mais ouais, c'était pas gênant. C'était pas. Non, c'est ça, c'est des morceaux qui durent 1 minute 30. Pas plus long ça. Ça se passe, bien. Voilà, c'était ma minute crust. Bah, moi, je vais faire une minute musique bizarre, parce que bon, on n'est pas assez prêt. De toute façon, je suis trop fatigué pour réagir là-dessus. Donc, ouais, essaye d'avoir une voix quand même un petit peu entraînante, parce que là, c'est. Hey, c'est tellement trop cool, on va s'écouter un truc super bizarre. Hey. Ouais, ouais, non, mais pas quelque chose de plat, là. Pas quelque chose de plat. Fais-nous quelque chose d'accord. Alors, ouais, c'est trop cool, c'est trop cool. Du comté. On parle pas de. Non, mais. On parle pas quelqu'un de Zoukouk. Ah, pardon. Naturellement, Mitch, mais avec un peu de passion. Ah, d'accord. Juste la passion. Passion uniquement, suffira. Oh, la parce que t'es passionné. Non, j'ai encore dit à ma collègue de boulot de nous écouter ce soir. Ah, mais tu vois. Je vais passer un morceau. Pense à elle. Que j'ai bêta testé sur elle. Ça a eu un succès relatif. Du coup, tu te dis, je passe à la radio. Et en ce moment, elle fait beaucoup de sport. Et du coup, là, je pense qu'elle doit être dans son bain après le sport, tu vois, en espèce de moment de détente. En écoutant ça, en fichant qu'est-ce que ça va être cool. Et on va s'écouter Otoboke Beaver. Un groupe de garage punk japonais qui nous rappelle un peu tous les jours que le Japon est un pays lointain qu'on ne comprend pas beaucoup. Peut-être que on doit y voir un symbole des répercussions des attaques nucléaires qu'il y a eu à l'époque, je sais pas, mais il y a quand même quelque chose qui se passe. Et juste après, on va s'écouter le Turc Mécanique. Ça, c'est issu du top de Pico. C'est chelou et malsain, hein, c'est bien aussi. Voilà. Mais bon, Otoboke Beaver, je pense que ça va. Parfait pour le bain, quoi. C'est, voilà, en termes de détente. On genre a un peu... bain, mais à remous, quoi. Voilà, un jacuzzi peu contrôlé. Anarchie en jacuzzi. To find any ways to make you laugh and dance today. Before I was frightened by the bite. Now that the storm is over, I rest aside. You were a tongue stuck in my nostril. Basically, love is a ache in a jail. You just gave a flick of the wind. Stick before I loved when pictures in the back room of my head. À l'instant, c'était le Turc Mécanique de Paris, France. C'était vraiment cool. Hein. Ouais, c'est bien malsain comme il faut et tout. C'est... Ouais, puis même un peu planant. Moi, je crois pas si malsain que moi. Bah, il y a un petit. Pas que ça, mais. Bah, ouais, moi, j'appelle ça malsain. Mais après, oui, mais je vois ce que voilà. Je vois l'idée, mais moi, ça me. Je rentre bien dans le trip. Un peu Norbe et Georges dans le ouais, style. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Sans la voix, un peu. Ventre de biche, des trucs comme ça. Ouais, tout à fait. Si on se trouve, c'est les mêmes mecs. Ou la même scène, en tout cas. Bah, ouais. Bon. Et juste avant, c'était Autoboké Beaver. Ça joue ouais, à Besançon cool, d'ailleurs. J'aurais dû le voir une fois, parce que tu le dis quand même très bien. Autoboké Beaver. Mais parce que c'est. Mais Beaver comme le castor, du ouais. coup. Ah, excellent. C'est un... Ça doit être un mix japonais. Ouais, anglais. Ouais. Et ça joue à Besançon dans le cadre du festival générique. Voilà, c'est un jeudi soir, je dors pas très très longtemps. Si vous voulez aller voir ça, je sais pas. Je pense que ça peut être assez rigolo. On va rester au Japon, du coup, pour continuer dans l'ambiance un petit peu bas remous. Est-ce qu'on va écouter le groupe? Parce que, alors, c'est, désolé, je te coupe pour dire vraiment ma vie, mais putain, quand j'ai cherché ça, je me suis un peu perdu dans YouTube, et tu cliques de lien en lien, tout ça, tu dérives de plus en plus vers cette vidéo. De plus en plus profondément dans le Japon. Et putain, je suis tombé sur un espèce de groupe de métal où, en fait, le chanteur, c'est un espèce de mec qui a une tête de vieux samouraï, de vieux sage, avec les lunettes, la petite moustache et les cheveux longs, et puis sa guitare, le tout en kimono. Le bassiste, il est peint un peu comme Fantomas, mais en version plus claire. Donc, du coup, ça n'a pas trop beaucoup de sens. Et le batteur, c'est, on dirait un mec, tu sais, mais genre les Yakuza rock'n'roll, quoi, qui est une espèce de banane, comme s'il jouait dans un groupe de rockabilly. Et tout ça, ça faisait un espèce de rock metal un peu heavy, comme ça. Tu fais, wow, il est temps d'éteindre cet ordinateur, d'aller se coucher, c'est pas possible. Peut-être faire un split scénique avec le groupe de trash metal que vous avez vu la dernière fois. Oh, ça serait super. Mmh. En tout cas, on n'écoute pas du tout ça. Ouais, par exemple, ça m'arrangerait beaucoup. Non, on va écouter Lost Without Grenade. C'est japonais, du coup, oui, c'est quand même du japcore, mais moins déstructuré que ce que t'as passé, forcément, comparativement. Mais ça reste bien japonais dans le son, et puis bien hardcore, voilà, avec un batteur très très rapide. Le morceau, c'est War Never Change, et l'album, je n'ai toujours pas noté. Voilà, et on va enchaîner avec Mortify, qui selon moi décroche la palme de la plus belle pochette de 2019, c'est un espèce de dessin de zombie sanglant avec qui tient une disqueuse qui est reliée à un HM2. Et le titre de l'album, c'est Stench of Swedish Buzzsaw. Et du coup, musicalement, là, on n'est plus du tout dans le japonais. C'est HM2 à fond avec un son ultra suédois. Et ils font mélange de grind death suédois ultra, ultra old school sur des durées genre 30 secondes, machin comme ça. Donc on a bien le temps de passer trois morceaux de ce super groupe qui s'appelle Mortify et qui passera juste après Lost Without Grenade. Dis donc, Arnaud, est-ce que t'as vu le nouveau clip de Igor ? Oui, enfin de loin, j'ai pas vu en entier encore, mais je me pencherai dessus. En tout cas, on disait donc, juste avant cette petite intervention rigolote, on disait oui, un zombie, du HM2, une disqueuse, voilà une pochette qui ne ment absolument pas. Alors, c'est tout à fait honnête. Hein. Musicalement, je m'attendais pas forcément à ça, mais on est vraiment dans le old school. Du coup, tu te dis que c'est un groupe japonais, tu me crois pas, quoi. Donc, mais voilà, en tout cas, ça m'avait bien fait rigoler, ce petit groupe-là. Et avant, le groupe qui bourrait à mort, c'était Lost Without Grenade. Ouais, ça c'était pas mal. Ouais, j'ai dû trouver ça sur Bandcamp en suivant le tag Power Violence ou un truc comme ça. Rien à voir au hasard. Quoi. Au bon petit bonheur, la chance. Donc voilà, deux petits groupes japonais bien sympathiques, ma foi. Ah, ça devient facile de faire des émissions de musique finalement maintenant. Vive Internet. Mais ceci dit, ce que je disais, c'est que j'ai jamais été autant au taquet sur l'actualité musicale que depuis que je suis parti de l'émission. Bah, tu suis. T'as un intérêt de rechercher aussi. T'as l'intérêt de rechercher un peu. Et on découvre plus de groupes et tout. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Les labels, s'ils font un bon taf de promo, du coup, t'arrives facilement à retrouver les trucs. Ça marche bien, quoi. Bon, on a écouté quand même beaucoup de choses rapides, crades, cheloues. Donc on va revenir un petit peu à des bass punk qui me sont chers. Non, bah après, ça fait pareil, ça doit faire depuis le mois de novembre aussi que je la traîne, celle-là, donc il faut que je le mette. Donc, on va se mettre Chaos 2K. Chaos 2K, voilà, vieux groupe anglais des années 80. Là, c'est un EP sorti en 1982 qui s'appelle Loud Political Uncompromising. Et le titre No Security, voilà, c'est du pur chaos punk anglais, quoi. Et juste après, on va se mettre Crisis, qui est un groupe de post-punk aussi anglais, formé en 77. Le titre s'appelle Holocaust. Donc voilà, ça parle notamment de l'Holocaust pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est un groupe bien engagé, bien anti-nazi, bien coco comme il fallait. Visiblement, il y en a certains qui auraient un petit peu vrillé de l'autre côté récemment, d'après ce que j'ai entendu. Ah ouais. Donc c'est un petit peu chelou, quoi. Dans les années 70, d'être anti-nazi et après de finir un peu d'extrême droite. Je ne sais pas vraiment. Ça s'appelle Daniel Cohn-Bendit. Hein. Oui, non, mais ça se fait, hein, mais c'est toujours un petit peu surprenant. Ça balance. Voilà, donc Crisis, un groupe assez référence dans le style. J'ai sorti ça d'une compile qui s'appelle Holocaust, c'était la compile, parce que du coup c'était ressorti dans différents formats, mais en fait c'est un 7 d'origine en 78, Notown Hall. Donc c'est, voilà, c'est post-punk tranquille mais vraiment cool. Et juste avant, Chaos UK. We'll be right back. Eh oui, pas de concert au Grattoir cette année pour mais le festival. Ça fait un moment que j'en fais plus. Ouais, mais j'ai l'impression que plus personne ne va en faire là-bas. Donc. Ouais. Ou quoi, pas de. Pas dans le style là. Ouais, c'est ça. Ah oui, visiblement, le Grattoir, c'était un petit peu tendu en parlant de ça. Eh ben, je suis pas forcément de j'en sais rien. Bah, je sais pas, c'est ce que j'ai entendu, moi, que. Ouais, sûr, que bah, j'ai entendu après. On aussi. On en discutera en antenne, si voilà. Tu veux, mais. Ouais, j'étais pas au courant, mais. Si c'est... On en parlera pour des véritables informations. Mes canaux, ouais. Voilà. Donc à l'instant, c'était Crisis, donc vieux groupe bah, post-punk, mais avec une base très anarcho-punk dans la façon de chanter, de présenter les choses. Ça me fait penser un peu à ce qui se fait maintenant comme type Litovsk. Ça ressemble vraiment à ça. Frustration, notamment, a choisi le titre de ce groupe par rapport à ça. C'est le nom d'une chanson de Crisis. Okay. J'ai découvert ça il y a peu. Et juste avant, c'était Kaosuke avec du punk, voilà, quoi, la Discharge, Exploited et compagnie, quoi, truc qui bourre. Ouais. Mais c'était bien, Crisis a installé une espèce d'ambiance un peu magique dans le studio, on était tous là, dire, à se laisser partir. Ah ouais, moi j'adore écouter. Ouais, donc voilà. Ce qu'on fait rarement en fait. Pour une fois, on a écouté le morceau qu'on a passé. Bah écoute, je remettrai des trucs comme ça. Pas de problème. Avec plaisir. Du coup, on va juste écouter un petit morceau avant l'enjeu d'un concert. On s'est écouté One Burning Match qui vont jouer justement le 7 mars à Bruyères, à l'usine du Moulin, nouveau lieu, bar associatif et tout ça et tout ça et tout ça. On aura le temps d'en reparler juste après. On s'écoute One Burning Match. De l'agenda concert. L'agenda concert. Voir en jouer. On commence avec Arnaud qui va nous parler de son exposition à la médiathèque de Gérardmer. Oui, tout à fait. Alors, exposition en collaboration avec Simon. Simon Chogneau, Cold Mind, tatoueur à Saint-Dié, que bon, si vous nous écoutez, vous connaissez sans doute. Et donc bon, on avait fait plusieurs dessins ensemble, et à la base, c'est vrai que je voulais le faire exposer juste lui, puis il m'a dit, ouais, on a fait des dessins ensemble, ça te dit pas d'exposer avec moi, donc cool. Donc on a fait une expo à deux, donc il y a une cinquantaine de dessins exposés, des originaux, des sérigraphies, voilà. Et donc on fait notre petit vernissage jeudi prochain, à la médiathèque à Gérardmer à 17h30. Donc voilà, Simon sera là, moi je serai là. Voilà, venez. Et puis dans la foulée du vernissage, il y aura non pas un concert, mais une petite conférence d'un journaliste qui viendra nous causer de Stephen King. Donc voilà, tout ça c'est dans le cadre du cinéma, du Festival du cinéma fantastique de Gérard May. Voilà. Et dans le cadre du Festival de la Hoye, le retour de Street of Rage. Non, c'est pas non, bien. C'est bien. Très bien, t'étais cohérent. Très bien, moi, je cherchais une approbation du côté de Mathieu. tu l'as eu. Oui, c'est vrai, ça me fait plaisir. Donc voilà, le Streets of Rage, le groupe de Hoye de Nancy, emblématique, hein, qui rejoue. Voilà. Bon, je sais pas si c'est la formation originale, mais en tout cas, ça rejoue. Ça joue à la Musicée des Trois Maisons le 25 janvier, avec Premier Round et Urban Spin. Ensuite, il y a Un peu de piment qui fait jouer Fantasio. Alors, à vue de nez, ça a peu de choses à voir avec le pote de Spirou, mais voilà, c'est de la contrebasse et chant poético-hypnotique. Pourquoi pas ouais. Et Benjamin Collin, percussion improbable. Grosse soirée, quoi. Alors, finalement, c'est peut-être un truc de noise, on ne sait pas. ça se passe à Moyen, voilà, c'est le dimanche 26 janvier à 17h. Un petit apéro au concert. Choc, c'est bien préparé encore tout ça. Il se passe plein de trucs à Bruyères en fait, hein. C'est ouais, comme souvent quand un lieu ouvre. Le vendredi 7 février, il y a Mystic Macadam et Toys Breaker qui jouent à l'usine du Moulin, hein, tout simplement. C'est bien, c'est bien quand un lieu ouvre ses portes comme ça, il se passe vraiment plein de choses d'un coup. Ça fait du plaisir. Il y a une soirée globalement bien goth comme il faut, avec Noir Boy George et Mort Sûr, voilà. Des groupes de messes qui font de la Cold Wave et de l'Electro Dark. Ouais, Morsure, ça avait tourné avec Aval un petit peu. Ils avaient fait des dates ensemble. Ah, c'est le groupe-là. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais, ou ce qu'elles, je ne sais pas. Mais... voilà. Ça avait tourné ensemble. Et du coup, ça se passe le samedi 8 février. Donc voilà, si vous aimez vous habiller en noir, je pense que c'est quoi. C'est aux trois petits points. Aux trois petits points à Nancy. Ouais, c'est la sauce goth de Nancy. Bonne sauce. Mm-hmm. Le même soir, il y a Diego Palavas qui rejoue à la Souris Verte à Épinal. Avec Hystérie Collective. Voilà, ça se passe le samedi 8 février. Le 12 février, au Tigre à Célesta, c'est la soirée, la tournée d'adieu de Demon Vendetta, groupe de surf, Horror Surf. Voilà, donc au Tigre, le mercredi 12 février. Choc. Le 15 février, à l'Entracte 2, il y a Motchenroll Circus, rock français, des gens de OTH dedans. Voilà, avec Horror Zombie Show, du Psychobilly de Saint-Dié. Je suis dans la surprise la plus totale. Et j'essaie de lire les noms de groupes, mais c'est vraiment pas évident. Anarcholix, un truc du genre. Anarcholix, je pense, tu sais. Ah, jeu de mots. Ce serait un jeu de mots. C'est complètement anarchie un jeu de mots. Anarchie alcoolique. Voilà. Pourquoi pas. Oui, c'est marqué concert punk en même temps. J'aurais pu deviner les indices. ça se passe le dimanche 21h, entrée libre 21 février, au bar Le Commerce à Mirecourt, avec Boulon et Crou. Et Crou, comme le Crou. C'est une soirée. Ami Cruciverbis, c'est croquez-vous. Venez. Ah bah putain, ça me coupe l'herbe sur le pied, ça. Écrire les chansons engagées. Et le Solidaire Festival à Chaligny. Chaligny Town. Yeah. J'adore quand on fait ça. Oui, BBC Killer, si tu nous écoutes. Avec Hoboken Division, Tequila Savat, Isuiro Bastardo, The Dustbirds, Nancy Dance Crusher, Sun System. Ça, c'est le vendredi 21 février. Et le lendemain, le 22, The Pyramids, The Simarip, The Berbis et Jans, Mason Arms, The Branlarians. Est-ce qu'il y a éventuellement une possible et Precious Soldi Sound System. Voilà, ça se passe à Chaligny, c'est festival. Ouais. C'est pas mis en solidarité avec qui. Si, c'est solidarité. Ah si, pour un toit pour les migrants. Ouais, c'est ça, voilà. Toujours, depuis longtemps ils font ça. Ouais, bon festival, Hoy, Soul, Ska. Rocksteady. Rocksteady, ouais, ça tourne autour de ça. Ouais. Ouais. Putain, mais il se passe des choses épinales, surprenant. Le vendredi 21 février, il y a Toys Breaker, Tant Bien Que Mal et Two Mobs qui jouent au Lavoir Théâtre à Épinal. Voilà, j'étais pas au courant, mais c'est bien, c'est important de savoir. Faut regarder les agendas. Ouais, c'est ça, ou écouter même Tomori dans un concert. Et on va terminer avec encore un concert à l'usine du Moulin, du coup, au cœur de la Tempête Fest. Le vendredi 6 et, 7 et samedi 7 mars, donc avec le vendredi Space Zipper Invasion, Red Rage et Blocage 95, voilà, le vendredi 6 mars, et le samedi 7 mars, One Burning Match, qu'on a écouté juste avant que je fasse un monologue interminable de 6 minutes à peu près, Lorelai, du punk rock mellow, street punk, un peu comme on veut, et Doom Sisters, c'est nous. Ah, ça sera absolument pas une release party vu que la boîte de pressage ne répond pas à mes mails pour l'instant, mais on va y penser. C'est ta décision. C'est une déception terrible. Voilà. Et avec DJ Red Light. Donc voilà, ça se passe à Bruyères, à l'usine du Moulin, les vendredis 6 et samedi 7 mars. Voilà, bah c'est et bien. Puis, ça. Ouais, moi, j'ai pas du tout écouté au début, mais il me semble que tu n'as pas évoqué peut-être Epic Schmetterling à Épinal. C'est vrai que c'est pas du tout mis dedans. Ouais, voilà. Alors que, putain, on a fait les printemps de. Bon, les on en avait déjà parlé quand même. Les printemps de Bourges de l'ANF. voilà, il y a Epic Schmetterling, c'est. Vendredi 31 janvier. Voilà, comment dire, l'électro 8 bits, à peu punk, près. Un peu. Ouais, ouais, même. Voilà, punk électro 8 bits. Ultra bien. Assez chelou, ouais. Bien. Et voilà, découvert à l'ANF. Ouais. Et apprécié. Découvrir et écouté en boucle depuis. Voilà. Et non, mais et il tourne avec un groupe hollandais, je crois. Nous, non, lituanien. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment savoir, vous écoutez l'agenda concert d'il y a un mois. Et ouais, voilà. Tout il y a toutes les infos. Et c'était vachement plus clair que maintenant. Un petit bout de Epic Smetterling, peut-être, je crois. Je m'en rappelle plus. Possible. Ouais, bon. Voilà, moi je voulais juste faire une petite aparté, si je puis me permettre. Non, mais permets-toi, non, mais voyons, mais l'agenda concert qui n'apparaît pas sur, sur l'agenda en ligne que tu t'es procuré. Donc c'est plus en lien avec l'espace autogéré, enfin le squat de la Courgette à Épinal, toujours Épinal. Donc, vendredi soir, il y a une soirée jeu de société et bar. Donc voilà, coup, ramène tes soir, jeux, t'en demain. Prends demain, en gros demain, tout voilà. À fait, demain, et voilà, c'est soirée jeu plus bar, il y a ça, samedi, c'est la porte ouverte du lieu, donc tu peux venir te promener, proposer des choses, faire des ateliers, voilà, enfin, découvrir donc, l'endroit. Après-demain, ou aujourd'hui, le dimanche, si en collaboration avec eux, il y a le Footnote Bombe, donc distribution de repas gratuits, Parc du Cours à Épinal à partir de 12h30, donc dimanche. Et le 13 mars, tout sûr, il y a un concert de Crust aussi. Il y a Led by Fear du Crust de Russie, Hello Darkness, Crust Mélodique des Vosges et All Rotten Bastard du crossover d'Épinal. Nancy, de pardon. Nancy. Après, le chanteur est né à Épinal, alors tu sais, il est un peu spinalien de cœur. Voilà, donc si vous voulez suivre un petit peu l'info, ils ont un site internet, Libretto, je crois. Enfin, ils sont même passés, ils et elles sont passés à Radio Gamozo. Via l'émission de Damien, il y a quoi, un mois ou deux. Voilà, donc suivez l'info, il se passe des petites choses de temps en temps, il faut soutenir quand même, c'est pas mal. Là. Voilà, c'était pas mal ça. Ouais. Un petit 10 minutes, mais avec différents intervenants, c'est pas mal. Ça anime le plateau. On a un morceau ? On a même deux morceaux. Oh. Qui sont tellement rapides que finalement, ça va pas changer grand chose. On va s'écouter Jodie Foster qui sort un nouvel album. Ah oui, c'est vrai. Voilà, toujours aussi cool, toujours aussi peu de disto. Je l'ai écouté cette semaine, je me suis dit, je fais quoi ? Je le passe ou Mitch va en passer ? Je dis non. Bah, tu vois. Mais effectivement, distorsion, c'est pas leur truc. Hein. Pas des masses. Ah, parce que t'as, musicalement, t'as la puissance et la rapidité quand même d'un si tu fais une moyenne entre le groupe qu'on a passé avant avec l'overdose de HL2 et Jodie Foster ou pas de disto du tout, ça fait quand même pas mal. Bon, cal. C'est bah ouais, tu peux perdre des gens au milieu quoi. En tout cas, tu couvres un spectre très très large. Voilà. Et juste après, on va s'écouter Travolta, le groupe belge, hollandais, Anvers. Si je dis pas de quoi, Anvers. Donc belge du coup. Hein. Flamand même, voilà. De la Belge flamande qu'on avait fait jouer à la NF l'année dernière. Ultra c'était cool. C'était très bien. Ouais. Et super sympa comme tout. Ouais. Allez, ça fait un petit duo acteur, tu vois. C'est marrant. Oui. Ouais, bah, ils sont toujours sur la thématique acteur quand même sur leur pochette. Hein, ouais, non, dire, oui. Mais ça revient quand même à chaque pochette, hein, France qui se renouvelle. Voilà. Un peu. Et Guillaume, en plein état grippal, n'a pas remarqué qu'il faisait un bloc spécial nom d'acteur. Oui. Mais et juste bien. Après, on passera Roger Moore et, ouais, et Charles Bronson. Les deux groupes sont sortis par l'Honor Cult Record, qui est le label des Travolta. Mmh, d'accord. En l'occurrence, qui a un label plutôt cool de hardcore power violence, crust, vraiment bien. Et ils ont sorti aussi leur CD via Deviance, Travolta. Mm-hmm. Là, il vient de sortir. Toujours dans les bons plans. Voilà, donc du coup on s'écoute Jodie Foster avec le morceau Still Not Loving the Police, un morceau d'actualité, hein, comme depuis 50 ans en fait, je crois, voire plus. Je suis pas sûr qu'il date vraiment, hein, pour ça. C'était très rapide, fini, hein. Hey. Ah, très fast-core, mon Lolo, hein. C'est ça. Moi, je suis pas habitué. Hein. C'est ça. Ouais. Si tu mets des trucs de 6 minutes, t'es tranquille. C'est ça. Pas besoin de changer le disque toutes les 4 secondes. Et donc, ouais, à l'instant, c'était Travolta et juste avant, c'était Jodie Foster. Ouais, bon bloc, Mitch. Avec, hey, t'as vu, ça fait des noms d'acteurs. C'est vachement bien. Hey, mais c'est comme ta spécialité, ça. T'aurais dû. Remarqué, hein. C'est triste. Je vais peut-être aller prendre des cours à la soirée jeu de mots et punk. Ah oui. Ça a perdu ton niveau là quand même. C'est la maladie. Mais oui, mais on va te reprendre un peu de gras, tiens. Okay. En attendant, on va écouter No One Know What the Dead Think. C'est un autre groupe que Cyril de Besançon m'a fait découvrir. C'est avec Cyril Seloulon. Non, c'est pas ça. C'est le petit au fond de la salle. Là. Ouais, c'est ça, il est petit. C'est avec le chanteur de Gridlink, si je dis pas de bêtises, si je confonds pas dans les groupes. Et en tout cas, voilà, c'est Grindcore Power Violence, bien bourrin. Et c'est leur premier album, si je dis pas de bêtises, qui est sorti l'année dernière, en 2019. Et on va écouter le morceau Stars Hide Your Fires. Voilà. On enchaîne avec, on parlait hors antenne de black metal justement, avec un groupe norvégien qui s'appelle Lib Trigger et que j'ai découvert sur un article de Vice qui était plutôt intéressant, une fois n'est pas coutume, où il parlait justement un peu du renouveau de la scène black metal et notamment tous ces groupes qui sont ouvertement antifascistes. Et il citait ce groupe-là, donc je suis allé jeter une oreille et c'est vraiment vraiment cool. Donc on va écouter le morceau Masters of Chaos qui sortira sur leur prochain album, qui sortira donc probablement cette année, album qui s'appellera Nazi Hunters. Voilà, comme ça le ton est donné. Voilà. Encore des prochasses quoi. Voilà. No one knows the dead sick. Yeah! dernier petit coup de cœur black metal. Et en plus, vous pouvez y aller, c'est 100% garanti Antifa. Lib Trigger. Ok, très bien. C'est moi ? Ah bah je crois. Hein. Ah, y a la, tout à fait. Il y a de la motivation. Hein. Alors donc, voilà le groupe tant attendu que je te parlais tout à l'heure que tu vas j'espère apprécier. Ah. Qui s'appelle Saturna, qui vient de Barcelone en Espagne. C'est mon ami Saturna ? Je sais pas. C'est dans... et c'est les Parabellum. Hein. Oui. Hein ? Ah oui. Hé hey, bien joué mon petit Léo. Référence. Clin d'œil, clin d'œil. Donc c'est, j'ai reçu ça via, enfin j'ai reçu, voilà, un mail d'un label Disco Macabra, un truc, un label espagnol qui serait pas mal de heavy rock, doom, stoner. Donc, du coup, voilà, j'écoute toujours un petit peu ce qu'il propose. Enfin, j'ai jamais fait d'échange, touche comme ça avec lui, mais j'écoute toujours et c'est toujours pas mal. Ça, voilà, ça. Un mot de pas plus que ça, mais je pas assez lui. Pour. Non, après, je trouve, il dirait non, il dit ce côté merde, quoi, tu vois, on sait rien, mais c'est juste que, voilà, il envoie le truc, je reçois, puis j'écoute, quoi. Tu sais, puis le mec, c'est bien qu'il espagnol, nous écoute pas, tu vois. Il parle pas français, il dit écoute tes merdes. Non, c'est bien possible. Tu sais qu'il essaye de mettre ça dans Google Traduction en disant ah, putain, qu'est-ce qu'il dit, ça a l'air c'est cool. C'est encore un qui va nous demander la traduction sur Facebook. Et on va dire ouf. Ok, bon, je peux continuer la description du groupe tu du coup peux, oh, je peux. Pense, oui. Vas-y. Donc Saturna joue une sorte de heavy hard rock avec une bonne basse doom. On va dire que ça ressemble à Black Sabbath. Clairement. Et du coup, vu que j'aime bien, ça m'a plu. Donc j'ai pris le titre voilà, que j'ai trouvé sur. Enfin voilà, le sort de clip officiel Get Over It sur l'album Atlantis qui n'est pas encore sorti en vinyle mais qui est sorti en CD. Et juste après, on va s'écouter Double Nelson, une petite pépite nancéenne, Lorraine, qui existe depuis 1986, mesdames et messieurs, ce qui n'est quand même pas rien. C'est pas rien. Voilà, groupe mythique d'alterno, expé, noise, rock. Voilà, je crois que c'est un duo, si je dis pas de conneries. On a découvert ça à Waterproof, je pense, il y a peut-être 10 ans. En plus. Ouais, peut-être plus, je sais pas. Bah, après, on en faisait partie hein, déjà, mais. Parce qu'on est 2020, enfin 2019. Ouais, ça fait 12-13 ans facile, ouais. Quoi. Et du ça coup, a bien vidé la salle, ça a bien vidé la salle, mais c'était quand même bien, bien chelou, bien, bien sympa quand même, quoi, dans leur démarche. Enfin, ça a l'air d'être des personnes plutôt sincères, quoi. Mais c'est vrai qu'au Waterproof, vous avez quand même été très fort pour les groupes de vidage de salle. Hein. Il y avait quelque chose, hein. Entre ça, Mookrakers aussi, ça avait très bien marché. Mookrakers de Blue Nelson, ça faisait partie quand même des grosses années quand même de vidage, effectivement. Ouais. Donc, le groupe vient de sortir un album l'année dernière, enfin 2019, hein, du coup, j'y arrivais toujours pas, qui s'appelle Error 89450, je ne sais pas comment on veut le prononcer, et le titre c'est Love Boat. Come and gone. Je sais pas si on peut dire que c'est un Larsen ou pas, mais en tout cas un truc descendant. Quoi. Voilà, donc à l'instant c'était Double Nelson qui vient de sortir un nouvel album et juste avant Saturna. Une petite info agenda qu'on avait oublié. Enfin voilà, j'ai pensé à ça, parce que j'avais reçu l'info. Demain, donc vendredi, Las Vegan, donc c'est un collectif de resto, enfin voilà, punk sur Nancy, fait son restaurant à la MJC des Trois Maisons à Nancy, donc bar des 19h et repas aux saveurs indiennes vers 20h. Bon, visiblement c'est place réservée, mais on sait jamais. Si t'es dans le secteur de Nancy, tu peux traîner là-bas. Et ils organisent aussi le 15 février à la MJC Tisiphone de Lyon, si je dis pas de conneries, une sorte de punk de Lyon que j'ai entendu parler, et Raskolnikov. Voilà, petite info comme ça de dernière minute qu'il n'y avait pas dans l'agenda. Du coup, on va s'écouter Cou les bras, ou Cul les bras, je ne sais pas trop, qui fait partie aussi du top de Pico, voilà, pour finir là-dessus. Et voilà, c'est du post-punk, je trouvais ça assez cool. Enfin, je crois que c'est du post-punk. Voilà, le morceau s'appelle Komoyo. Donc, ouais, c'est sûrement ça. Je pense. Ouais, voilà. Et juste après, on s'écoutait Mestre, qui est un groupe de post-punk, ça c'est sûr, de Metz, que j'ai découvert au hasard des publications Facebook. Ils ont dû jouer aussi, ils doivent connaître un peu le crew de Château 404 et tout. J'ai vu des photos d'eux sous un pont en train de jouer. Donc, bonne base. La crème de Metz. Voilà, avec le morceau Anthony Scored the Goal. Ouais, bref, Tony a marqué un but. Thomas, allez, je vais l'appeler Thomas, je vais faire une traduction. Et Thomas a marqué un but. Et voilà, on s'écoute ça et juste avant, on s'écoute Cou les bras. Et voilà, c'était Mestre à l'instant, un groupe de Metz. Bien planant. Ouais, ouais, et je crois que c'était juste un truc avec une batterie rythme et tout, mais en fait, d'après les photos, il y a, tout le monde. Enfin, c'est de la batterie. Ils sont 8. C'est tout le monde. Ou alors, c'est pas les bonnes photos que j'ai vues, et puis du coup, c'est pas le même groupe. C'est des potes, en fait. Ah, je les tous sur la photo. Bon, il y a bien Jessica 93 qui a fait ça en prenant un batteur qui fait pas de batterie. Bah mais... oui. Bon, ça, c'est un autre concept. C'est planant aussi. Ouais, c'est planant quand il est tout seul et c'est chiant quand ils sont en groupe. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Voilà, et juste avant, c'était Coup les bras. Voilà. Qui était plutôt du post-punk, j'avais quand même pas si tort que ça. Non, c'était dans une branche plutôt calme. Voilà. Non, moi je crois que j'ai pas si mal préparé que ça finalement. Ouais. Pour un truc préparé en 14 minutes. Alors on va enchaîner. Ah. C'est toi du coup, c'est moi. Ouais, non. Bah je sais pas, peu importe. T'as, t'as dit des trucs, Mounet ? Ah oui, ok, pardon, pardon. Ah bah, après, oui, non, effectivement, non, j'ai peut-être pris le... Là, je me... Non, non, je me... J'ai passé des titres il y a pas longtemps. Mais à coup pas, mais c'est mes deux derniers, donc tu vas bien. Non, après, on peut faire un Shifumi en deux. Hein. Après, tu seras libre de passer tout ce que tu veux. Ah bah, on est prêt, là, on est prêt. Il y a de l'internet, tout ça. On va commencer par un titre de Deletar, groupe de Saint-Etienne, Lyon, je crois, que je veux passer depuis un certain temps aussi, mais je n'ai pas eu l'occasion, avec le titre À la dérive. C'est un album qui est sorti en 2019. C'est très très bon, c'est une sorte de hardcore punk, à grosse rythmique 10 bits, à tout à fond, à la Totalitar pour les plus expérimentés du 10 bits suédois. Disque sorti par Kick Rock, label de Saint-Etienne, et Destructure Records de Caen, très très solide. Juste après, on va se mettre Symbiose, qui viennent de sortir un nouvel album qui s'appelle Banalization of Evil. C'est sorti chez Deviance, non ? C'est sorti chez Deviance, effectivement. tout à fait, mais label tout à fait fidèle. Avec ces petits groupes portugais, donc c'est du crust un petit peu trash quand même là, sur le nouvel album, avec le titre Refugianados. Bonhomme de neige de Dolph. Ouais, pour une photo promo, ça va être super. Allez, allez, allez. Donc à l'instant, c'était Symbiose, donc issu de leur nouvel album Banalization of Evil. Vous trouvez ça à Revilochen. Et juste avant, Deletar avec le titre À la dérive. Pareil, c'est trouvable à Bellefontaine. C'est du local. Bah, étant donné le troupeau mixé, c'est pas si trouvable que ça finalement. Ça nécessite une carte, quoi. Il n'y a pas vraiment d'arrêt de bus. Hein. Ouais. On enchaîne avec Clipping. Une fois n'est pas coutume, c'est du rap que j'ai découvert récemment, là, entre Bandcamp et les recommandations d'un pote. Et Clipping, c'est du. Enfin. Je dis rap, mais ça tend un peu vers les ambiances noise. Heavy metal. Ouais, hardcore suédois. Non, c'est assez noisy, ouais, on va dire, et un peu expérimental. Et en tout cas, le groupe enchaîne les albums un peu bizarroïdes, où ils aiment bien se fixer un thème et filer la métaphore sur tout l'album. Et donc, ce dernier album-là, qui s'appelle, je ne sais plus comment, parce que je ne l'ai pas noté, c'est un album où ils sont partis sur une ambiance un peu film d'horreur, ce qui n'est pas pour me déplaire, en reprenant entre autres des samples de films des années 80 ou d'autres trucs, des ambiances, etc. etc. Donc on va écouter un très chouette morceau de ce groupe-là. Et juste après, Livid, qui joue du hardcore assez bas du front, qui tire vers le power violence avec quelque chose de très agressif et très rapide. Voilà, donc ça marche très bien et c'est tout à fait dans ce que j'aime. Ça va nous réveiller juste après Clipping qu'on écoute maintenant. By the Christians it is written that in the Black Marathon age there existed an addiction to blood. Drink it up. 50 years bout enough. Time to come back. Blood. They wanna call the bluff. Okay then, time to come back. What up? Hail King Huey, do it for fluid, you knew it was moving forever. Loop it, the truth is the movement was really too clever. Who is the newest to do it, pursuing a useless, polluted agenda? Too long to get they bullshit together, 50 years bad enough.

comme ah, quand ça. Même. Et ouais, c'était Livid avec le titre Charade du Hardcore Comme J'aime Moi. Et juste avant, c'était les excellents clippings avec, j'avais pas donné le titre, c'était Blood of the Fang, issu de leur dernier et excellent album. Eh ben c'est cool. Moi ça m'a fait penser, parce que j'ai une stagiaire là cette semaine, et du coup je lui dis, t'écoutes un peu de musique et tout, tu sais, elle était habillée tout en noir, je me dis peut-être que... Ben fait, ouais, je suis plutôt rap américain et tout. Bah tiens, on va mettre Converge. Allez, bonne journée. Voilà. Bah, tu lui feras écouter Clip. Quelle ouverture, Mitch, quand même. T'es jamais été trop hip-hop, toi, quand même. Je te donnerai deux, trois petits trèfles. À part Calavera. Oui, non, voilà. Donc, t'es pas vraiment hip-hop. 2004 pour les créations du crâne. On va s'écouter Psychic Graveyard. Aucun du Psychobilly. Je suis à peu près sûr que non. Oui. Non, je sais plus ce que c'est. Ou du horror metal show. Ça devrait être du Psychobilly. Non, mais ça vient du top Pico. Qu'est-ce que t'en sais qu'il aime pas le Psychobilly? Alors, c'est du noise rock Psychobilly. Allez, on écoute parce qu'on a plus trop le temps. Bisous. Et voilà, c'était Psychic Graveyard à l'instant. Ça, ils auraient pu largement remettre 3-4 passes quand même, ce petit... Non, mais c'était... Hein ouais. On est en tête hein, maintenant. Et du coup... On est un peu câblo. Hein. Je sais pas quel est votre avis, mais moi, en termes de psychobilly, j'ai pas trop reconnu. La contrebasse est discrète. C'est Matine sous LSD, quoi. Donc non mais c'est du psychobilly d'informaticien, ça marche. Ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Voilà, bon, on va se quitter là-dessus. Hein, je pense que oui. On n'ira pas, on fera pas mieux. Ouais, on est au max. Voilà. Prochaine émission le 20 février. Exactement. À 20h sur Radio Gamozo 107.fm. Voilà. Et toujours sur le site, tout ça, le podcast, memento-mori-radio.com. Gloire aux radios indépendantes. Vive les stickers. Gloire à la grève.